Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons terminer cette émission spéciale Sentinelle Nord en nous intéressant aux humains qui vivent dans le Nord et qui subissent ou qui doivent s'adapter à ce Nord en mutation. On en parle avec Sheikh Latirfal, il est étudiant au doctorat en génie électrique et participe à un projet qui s'intitule « Développement, implantation et utilisation de technologies portables miniatures pour la prévention, l'évaluation et le traitement de maladies chroniques en région nordique ». Bonjour, Monsieur Latirfal. Oui. Donc, je comprends d'après le titre du projet qu'il est question de suivre l'état de santé des populations à l'aide de capteurs portatifs. C'est bien ça? Alors, effectivement, il s'agit de monitorer quelques paramètres, des paramètres pertinents auprès des travailleurs dans le Nord. Donc, c'est plus des travailleurs dans les mines, donc oui. Qui sont souvent sujets à des blessures liées à leur activité. C'est ça, non, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé plus des populations locales inuites, mais il y a aussi tous les travailleurs qui vont travailler dans les mines, les mines Raglan, peut-être d'autres. Effectivement. Oui. Alors, c'est la première approche, c'est ça, c'est de se focaliser plus sur ces travailleurs-là, auprès desquels il y aurait peut-être un travail de prévention à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'aide des paramètres qu'on va aller mesurer, il peut peut-être y avoir une façon de prévenir ces blessures-là, justement, ou sinon d'expliquer les raisons pour lesquelles elles arrivent. Mm-hmm. C'est ça. Donc, de contribuer quelque part à l'amélioration de leurs conditions de travail, d'accord, santé, sécurité. D'accord. Et donc là, les capteurs en question vont faire quel type de mesures? Alors, on ne leur prend pas la température là-haut. L'idée générale, c'est d'avoir un vêtement intelligent. Alors, ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail de prototypage à faire, plusieurs étapes, mais c'est sûr que le vêtement final, idéalement, pourrait mesurer plusieurs paramètres, dont la température, des paramètres respiratoires, cardiaques, l'activité musculaire dont on va parler plus tard, puis les caractéristiques liées au mouvement de ces personnes-là, mm-hmm, dans leur activité de travail. Donc, d'accord. C'est vraiment plusieurs paramètres fusionnés pour pouvoir extraire l'information pertinente, mm-hmm, après ça. D'accord. Et vous, plus particulièrement, vous travaillez donc sur des capteurs qui vont mesurer l'activité musculaire, c'est bien ça? Effectivement. Alors, au sein du laboratoire de microsystèmes biomédicaux, on travaille à développer des capteurs innovants, donc à la pointe de la technologie, utilisant des technologies vraiment sur mesure qui correspondront aux problématiques de Sentinelle Nord. Et puis, dans le contexte de Sentinelle Nord, comme je viens de le dire, on travaille à développer des capteurs d'activité musculaire, donc, mm-hmm, entre autres. Et puis, ça correspond, donc, ce sont des signaux qui donnent l'état de contraction, de relaxation dans un muscle, en mm-hmm haut. Et puis, on développe aussi des capteurs de mouvement qui permettent de mesurer la quantité de mouvement d'une personne tout au long d'une journée, d'une activité bien, mm-hmm, bien définie. Donc, comment on fait ça pour mesurer l'activité musculaire avec un capteur? Effectivement. Alors, c'est un très bon point. À la base de toute contraction musculaire, il y a comme un balai d'ions, donc dans le muscle, qui permettent d'activer certaines fibres. Alors, tout ça peut se lire à la surface de la peau, mm-hmm, à l'aide d'une électronique adaptée. Tout ce qui est mesure de signaux biophysiologiques se fait très souvent à l'aide d'électrodes. Donc, c'est des électrodes qui sont à l'interface entre la peau puis l'électronique qui vient traiter les signaux puis en sortir l'information pertinente. Mm-hmm. Donc, pour répondre à la question, c'est à surface de la peau que ça se fait, au niveau des muscles, et puis avec une électronique adaptée. Ça se fait aussi à l'intérieur du corps, dans le fond, oui, de façon invasive. Oui, mais là, nous, c'est invasif, c'est ça. Ça. Là, faut que ce soit, faut pas que ça gêne le travailleur dans sa vie, dans ses mouvements. Exactement. Donc, d'où l'idée de l'intégrer dans un vêtement. Puis, faut pas que ce soit trop lourd, trop rigide. Effectivement. C'est tout un challenge point de vue design parce que faut à la fois garantir un certain confort d'utilisation, donc des capteurs très petits qui s'adaptent à la personne, etc. En même temps, garantir une certaine qualité de mesure. Donc, c'est vraiment un challenge d'un point de vue recherche. Puis, Sentinelle Nord est le terrain d'application adéquat, mm-hmm, pour ce... Mm-hmm. Exactement. Et en fait, là, ce serait gros comme une plaque. C'est quel type de vêtement? C'est un sous-vêtement, j'imagine. Puisqu'il faut que ce soit en contact avec la peau. Effectivement. C'est donc, la non, partie où se trouveraient les capteurs d'activité musculaire, il faudrait que ce soit en contact avec la peau. Ouais. Donc, c'est l'une des contraintes majeures. Et puis, on travaille justement à développer des types d'électrodes qui peuvent justement, mm-hmm, s'enfiler. Il existe aussi des électrodes textiles. Donc, c'est typiquement du tissu. Ah. qu'on peut utiliser pour aller chercher ces signaux-là. Ouais. C'est ça, parce que je me demandais si ça allait être intégré au vêtement lui-même ou si c'était quelque chose qu'on glissait dans une petite poche dans le vêtement et donc on pouvait mettre sur un autre vêtement et éventuellement, parce que sinon on ne peut pas avoir trois vêtements. Ouais. Ça va coûter cher d'avoir toute une garde-robe équipée comme ça. Effectivement, ça c'est des problématiques comme ça, logistiques. Effectivement, idéalement, ce serait quelque chose qui s'enlèverait facilement et puis qui pourrait se mettre d'un vêtement à l'autre assez facilement. Oui, d'accord. Et donc, ces capteurs-là vont prendre des mesures. Là aussi, ça va être relié comment parce que vous n'allez pas aller partout dans le nord voir les gens et puis donnez-moi vos mesures. Donc, il y a un système aussi qui est prévu pour collecter cette information et la traiter. Effectivement. Donc, on parle d'un réseau de capteurs. Il y aurait comme une station centrale pour recueillir toutes ces données-là. Je vous donne un cas d'application typique. Hein. Donc, une station centrale pour recueillir ces données-là, puis après les enregistrer et ensuite les restituer à la fin de la journée, par exemple, du travailleur au moyen d'Internet ou ce genre de choses. Donc, c'est dans les mines, il peut ne pas y avoir Internet pour transférer les données dans le cloud puis en temps réel. Donc, l'idée d'avoir quelque chose qui enregistrerait les données, puis ensuite, le travailleur aurait juste à les plugger quelque part pour qu'on puisse les récupérer. Mmh. D'accord. Mmh. Et en fait, donc là, on parle de mesurer l'activité musculaire. On va pouvoir en déduire quelles informations quant à la santé des personnes. Alors, qu'est-ce que ça peut nous indiquer comme symptôme de quelle maladie? Qu'est-ce qu'on peut détecter? Alors, l'activité musculaire est utilisée pour beaucoup de choses, vraiment. Alors, ça a des applications dans tout ce qui est interfaçage homme-machine, donc des interfaces de contrôle pour les personnes. Dans un contexte de santé, c'est beaucoup utilisé maintenant par les professionnels du sport. Donc, pour évaluer les performances sportives de guérison d'un muscle, ça peut être utilisé aussi pour monitorer le niveau de stress, par exemple, l'état d'une dystrophie musculaire spécifique, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de patrons de signaux qu'on peut aller chercher à l'aide d'une mesure là, faite à un endroit spécifique. Parce que là, on veut voir finalement l'état de santé des travailleurs. Donc, c'est ça. Donc, quel type de maladie on s'attend à détecter? Alors, dans un contexte de prévention, je suis toujours dans le contexte de prévention des blessures au travail, c'est sûr que le niveau d'effort peut être lu avec l'EMG. Avec l'EMG, ça veut dire électromyographie. Donc, c'est avec l'activité musculaire, ce qui permet justement de prévenir les moments critiques pendant lesquels la personne peut se blesser. C'est combiné avec des capteurs de mouvement, justement, pour savoir faire une corrélation entre les mouvements de la personne puis son activité musculaire pour savoir s'il y a des moments à risque de blessure. D'accord. Et donc, vous, votre contribution, vous êtes au département de génie électrique, c'est ça? C'est ça, effectivement. Donc, vous travaillez spécifiquement sur la question pour être capable de détecter ce mouvement ou sur la partie transmission de l'information? Quel est votre rôle? Parfait. Je travaille sous la direction du professeur Benoît Gosselin, qui dirige le laboratoire de microsystèmes biomédicaux. Et puis, on travaille vraiment au design des capteurs. Donc, tout ce qui est mesure des capteurs, mesure des signaux dont je viens de parler, puis la transmission sans fil à la station dont je parlais pour pouvoir lire les données puis les stocker en mémoire, par exemple. D'accord. On travaille vraiment au niveau de l'électronique. Le plus proche possible, la partie qui est finalement la plus proche possible de l'utilisateur à la fin. D'accord. Bien, monsieur Latirfol, on va vous souhaiter des bonnes chances dans cette recherche. Merci beaucoup. Un beau doctorat. Merci beaucoup. La fin est prévue quand? Alors, disons en 2018. D'accord. En mi-2018. Donc, alors, ça veut dire que peut-être les travailleurs dans le Nord vont être équipés dans 3-4 ans peut-être de ces vêtements intelligents. On l'espère. On verra. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Latirfol, qui est étudiant au doctorat en génie électrique à l'Université Laval. Alors, nous arrivons au bout de l'émission et de cette incursion dans la stratégie Sentinelle Nord. C'est une petite incursion car, vous l'avez deviné, il y a plein d'autres projets tout aussi intéressants en cours. Et je vous invite à aller jeter un œil sur le site internet de Sentinelle Nord, d'ailleurs, pour découvrir ces projets. J'aimerais, pour finir, remercier nos quatre invités. Martin Fortier, qui est le directeur exécutif de Sentinelle Nord, Cheikh Latirfal, que vous venez d'entendre, qui est étudiant au doctorat en génie électrique, Michel Allard, professeur à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, et Martine Lisotte, professionnelle de recherche à la faculté des sciences et génie. Et j'aimerais aussi remercier Véronique Morin, chargée de communication à Sentinelle Nord, et qui m'a aidée à coordonner, à monter cette émission. Merci à vous.